Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria-Chapdelaine. Les Saguenayens de Chicoutimi ont nommé en fin de semaine leur conseil d'administration. C'était fort attendu ici au Lac-Saint-Jean. Et pour en parler, on parle avec un qui a été nommé au sein de l'organisation des Sags de Chicoutimi, Jean-Pierre Saint-Ville. Salut Jean-Pierre. Oui, bonjour Denis, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Jean-Pierre, quel sera ton rôle avec l'organisation des Saguenayens? L'organisation des Saguenayens, comme tu as pu le voir, ils ont délégué un conseil d'administration qui est réparti au niveau de la région dans son ensemble. Alors, nous, on est un petit peu des ambassadeurs, si on veut. Puis on se trouve à rallier le plus de gens, nous autres, de nos régions, de nos villes respectives, à la cause des SAC, qui se veut vraiment être une équipe d'une région et non les SAC de Chicoutimi comme tel. C'est qu'on veut vraiment rallier toute la région sous une même voie. OK, OK. Et j'imagine, pour toi, est-ce que ça va te prendre quand même pas mal de ton temps? C'est quoi? C'est-tu bien des réunions? C'est-tu... C'est pas si mal. C'est comme en fait, là, vous avez aussi, je pense, eu l'occasion de voir l'équipe de direction, Marc Denis, Gilles Couture, Jean-François Abraham, puis Richard et Tourneau. Alors, eux, ils ont déjà, je pense, là, donné beaucoup de leur temps. Fait que c'est eux qui dirigent les destinées de l'équipe avec Annick Jean sur l'équipe hockey. Mais ça serait peut-être là 4 ou 5 rencontres là, vraiment au niveau de la gouvernance là, de l'équipe là, puis de son alignement là. Okay. On n'a rien à voir au niveau hockey là. C'est clair qu'ils ont des gens en place qui connaissent ça là. J'imagine aussi que c'est un rôle aussi de business. J'imagine que tu vas avoir un peu un rôle de président d'honneur dans le haut du lac, essayer de vendre plus de les Saguenayens, promouvoir les Saguenayens. C'est un peu ça aussi là. Non, ben on peut pas dire qu'on est des présidents d'honneur. Hein, mais c'est pas un président d'honneur, mais tu sais, un genre de rôle de même. C'est... Non, même pas. Ben, je pense que c'est assez clair aussi là, tu sais, dans l'article là qui a été donné par Richard Letourneau, c'est qu'il y a quand même effectivement là, une partie de rayonnement qui fait partie de la sélection des candidats là. Nous. Puis on parle aussi beaucoup de passion. Fait qu'on est des. En fait, je pense que les deux premiers critères, c'était d'aimer beaucoup le hockey. Ouais. Puis d'aimer la région. Fait que dans ce sens-là, je pense qu'il y a des très, très, très belles équipes. Puis nous autres, ben, effectivement, on va essayer de rallier plus de gens là, du lac Saint-Jean, puis d'avoir des activités assez ponctuelles là, avec l'équipe des Sacs. Fait que ça sera un peu notre rôle là, au cours de la saison. Si jamais, exemple, l'année prochaine, il y a un match entre les Saguenayens puis les Cataractes ou une autre équipe dans le haut du lac, est-ce que ça va être avec toi que tu vas travailler le dossier ou ça va être encore avec l'organisation des Saguenayens? Non. Ça, c'est clairement l'organisation okay. des Saguenayens. Puis là, j'ai pas les qualifications là, pour m'occuper de ça, pas du tout. Là. Okay. Mais en passant, il y a fait une très, très, très belle job là, à Robertval. Ça avait été une très belle soirée. Là. J'étais là, d'ailleurs. Oui. Hey, Jean-Pierre, en terminant, tu sais que tu es derrière Samuel Girard. Comment tu trouves son rendement? Il est vraiment surprenant. Moi, je suis agréablement surpris. Et la plus belle marque de confiance qu'on a eue, c'est que samedi soir, on l'a fait jouer avec Piquet-Souban. C'est incroyable, là. Oui, ben honnêtement, là, moi je tombe pas en bas de ma chaise là, parce que ouais. Samuel, comme je me plais à le dire souvent, sa place c'est là. Tout simplement. Nous autres, on a fait du beau calibre de hockey, on a joué collégial, puis on a joué contre des grosses équipes à l'époque senior. Et lui, son calibre, c'est sa Ligue nationale de hockey. Mm. Ce qui me surprend un petit peu, c'est quand même qu'à 18 ans, ouais. déjà, là, tu sais, que ce soit, il a même pas encore été retranché, d'une équipe qui est munie d'une défensive hors pair en passant. Fait que, Samuel, il fait tout un job, puis là, il est bien apprécié là-bas. J'ai eu des commentaires là, très élogieux là, ouais. De la part de des gens qui sont là-bas sur place puis de son agent. Fait que je suis pas si étonné, puis je suis vraiment vraiment content pour lui. Et il fait juste continuer dans dans son aventure qui va l'amener là éventuellement à plein temps. Ça, c'est clair. Okay. Ben Jean-Pierre Saint-Ville, un gros merci. On va se reparler un autre tantôt, peut-être dans d'autres conditions. Parfait, mon ami. L'homme d'affaires de Saint-Félicien, Jean-Pierre Saint-Ville.